pas vraiment sot, car je mange tout comme il faut. Je ne suis pas grand, je ne suis pas un gland. Je vais souvent de l'avant, je n'ai plus de dents. Je suis un garçon mythique et ça me rend tout excentrique. Je suis un garçon briquet qui s'y frotte tout me trique. Je suis un addict, un brin mélancolique, un tout petit peu alcoolique, un grand arrêt d'électronique. Je saisis trop vite, ma proie est numérique. Si tu veux voir ma bite, prends la celle-là que j'habite. Je ne suis pas tout blanc, je ne prends pas de gants. Sur mes revenus des fois je mens, car je n'ai bientôt plus d'argent. Je suis un garçon mythique et ça me rend tout excentrique. Je suis un garçon hybride qui s'y frotte, me trique. Je suis un addict, un brin mélancolique, un tout petit peu alcoolique, un grand arrêt d'électronique. Je dis ce que tu veux, je t'appréhende un peu mieux. J'ai la répartie d'un demi-dieu, je suis déjà amoureux. Dis ce que tu veux, je t'appréhende un peu mieux. J'ai la répartie d'un demi-dieu, je suis déjà amoureux.